sans limite, ses battements au fond de soi, se dire qu'il existe des moments d'une seule fois. Du début en arrière, aux toutes premières.